Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus de Caprice de lecture, où aujourd'hui nous allons faire la connaissance d'une famille très particulière, la famille Molitor, en présence de l'auteur d'un livre qui a consacré donc une partie de l'histoire de cette famille, famille Molitor, Raymond Nicolodi. Bonjour Raymond. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous recevoir dans les studios de Fadjet. Et moi. Pour Caprice de lecture, pour ce travail que vous avez effectué, on va en parler tout au long de l'interview. Votre livre a été édité aux éditions Les Bolos. Oui. La famille Molitor, qui veut dire meunier, je l'ai appris en lisant votre livre. Pourquoi le choix de cette famille et du comte Molitor? Alors, c'est tout simple. La famille Molitor est originaire de la vallée de la Fensch, ouais. Exactement de la ville d'Ayange. Je suis né à Ayange, je suis originaire de la vallée de la Fensch. Donc, pour moi, déjà au départ, c'était... C'était évident pour vous. C'était évident déjà pour ça. Et par la suite, quand je suis arrivé dans la région de Nancy, ouais. À Tomblaine, entre autres, j'ai appris qu'il y avait le château qui appartenait à la famille Molitor. Et là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose. Il n'y a pas de hasard. Il y a quand même quelque chose. On est né au même endroit, on habite au même endroit. Lui a eu son bâton de maréchal, donc il faut que je fasse quelque chose pour avoir mon bâton de maréchal. Et c'est parti Et comme c'est ça. Parti comme ça. Voilà. Alors, c'est parti comme ça, mais pas que, et ce sera l'objet de ma deuxième question. Au début de votre livre, dans votre préface, il y a un personnage qui apparaît, le docteur Olivier Brun de Chantemerle. Et je vais me permettre de reprendre la citation que vous lui dédiez, ce que vous avez écrit. Il est de ces rencontres qui ne sont pas tout à fait dues au hasard, peut-être. Un patient en mal-être, un médecin présent, un échange sur l'histoire. Nous fûmes de ceux-là. Une passion pour le 18e et l'Empire, il n'en fallut pas plus. Raymond s'attela à une biographie de Molitor, puisqu'ils étaient originaires de la même ville. Et voilà, des années de recherche minutieuse et un travail remarquable au final, riche en détails. Un travail de fourmi inédit. Merci Raymond pour ce beau cadeau. Ce docteur Olivier Brun de Chantemerle, je crois, a joué un rôle phare. Ah oui, oui. Dans votre livre et dans votre vie. Et dans ma vie, surtout. Et j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de lui, si ça vous ennuie pas, Raymond. Ah, moi, ça m'ennuie pas. Okay. Pas du tout. Chaque fois que je peux en parler, j'en parle. Olivier est le médecin traitant, bien sûr. Oui. Et vous l'appelez par son prénom. Ah ben, maintenant, on est devenus amis. Vous êtes amis. On est devenus amis. Il y a une belle histoire entre vous, bien, je crois. Bien amis, hein, je peux vous dire. Et Olivier, donc... Je suis arrivé un jour dans le cabinet en lui disant écoutez, à l'époque, vous voyez, ouais. Écoutez, docteur, j'ai des gros soucis. J'ai l'impression que la marmite, elle va sauter. J'ai l'impression qu'il y a une dépression qui arrive. Alors, il commence à tourner la tête. On me dit oui. Et je lui dis attention, dans la société dans laquelle je travaille actuellement, il y a de nombreux suicides. Okay. Dû à la surcharge de travail, le management, charge de travail, tout ce qui peut découler. Oui. Et là, moi, je lui ai dit, je ne veux pas me suicider, mais il faut que je trouve une porte de sortie. Ben, qui me dit, tu avais commencé il y a quelques années à faire des recherches sur Molitor, continue. Vous aviez commencé avant. J'avais commencé avant, oui. Mais à l'époque du Minitel, mais on trouvait un petit peu en pointillé, peut-être. Comme ça. Non, mais c'était comme ça. Comme ça, pour vous occuper. Pour savoir qui il était. Ok. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches, et ça, c'est au début des années 2000. Ok. Et puis, c'est parti. Grâce à lui. Grâce à lui. Et régulièrement, après, quand j'allais le voir, il me donnait une ordonnance, bien sûr, mais j'en avais toujours deux. Ah, c'est ce que vous m'avez raconté, ça, j'aime bien, cette anecdote. Alors, la deuxième ordonnance, je lui disais, mais pourquoi j'en ai deux? Ben, t'as qu'à lire. En fait, quand c'était marqué, j'attends toujours mon livre sur Molitor. Où est mon livre? À quand mon livre? C'était une façon donc, de me pousser et de ne pas penser à faire autre chose que de faire des recherches. Et il a eu raison. Voilà. Parce que j'ai le livre dans les mains, entre nous deux. Oui, il a eu raison et je suis même fier de l'avoir écouté parce que j'aurais pu l'envoyer, comment on dit, voir ses parents. Ou il aurait pu être un médecin, on va dire, classique. Classique. Et puis vous donner des calmants, des médicaments, des trucs. Lui, il a trouvé une porte. J'en avais aussi, ne vous inquiétez pas. Ouais. J'avais mon traitement, mais j'étais quand même très, très, très bien suivi. Vous vous voyez toujours? On se voit toujours. Et vous avez toujours la même passion de l'histoire? Toujours la même passion, tous les deux. Il n'y a pas si longtemps, il m'a appelé un mercredi matin. Et il m'a dit, écoute, tu fais quoi cet après-midi? Ben, je dis rien. Ben, je vais te chercher. On s'en va à Pont-à-Mousson, une exposition sur du rock. On est parti au musée du papier, tous les deux, voir cette exposition. Il est encore en activité, ce médecin? Ah oui, je le vois régulièrement. Je le vois tout régulièrement, tous les trois mois. Oui, mais vous avez gardé le contact toujours? On a un contact, on s'écrit. Un médecin traitant et un employé en mal-être se retrouvent autour d'une passion de l'histoire. Ouais. Il y en a un qui sauve l'autre en le poussant à faire ses recherches. Et vous, en faisant ses recherches, vous continuez d'animer sa passion. C'est extraordinaire. Oui, oui. Et on voulait même la pousser plus loin parce qu'on avait un projet, mais bon, après, c'était trop important. C'était d'aller à Wagram, sur le site de Wagram, où il y a eu la fameuse bataille avec Molitor. Mais peut-être un jour, c'est pas encore fini. En 1809, vous voyez. Peut-être donc, un jour. Ça fait partie des projets à garder. Ça fait des projets, mais c'est chouette. On en a toujours tous les deux. Oui, mais c'est bien. C'est bien. C'est une belle histoire d'amitié autour de ce livre et je voulais vraiment qu'on en parle. Et c'est une amitié qui s'est construite. Quand on s'est rencontrés, vous m'en avez parlé et pour moi, c'était le déclencheur de tout ça. Je pense, je pense. On va faire une première coupure musicale, Raymond, avec un titre de Bernard Lavilliers, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus lequel vous avez choisi, mais vous allez m'éclairer. Alors, le titre de Bernard Lavilliers, c'est French Valley. Ok. French Valley, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vallée où Molitor est né, où je suis né. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans la sidérurgie, toujours dans la French Valley, dans la vallée. Et cette chanson me crispe un peu, parce qu'il y a des passages où j'ai même écrit à mes enfants en leur disant que le jour où je serai mort, ce serait cette chanson qu'il faudra lire. Très bien, je pense avec qu'ils vont... Avec des caractères gras, des phrases en gras... Très bien. Et alors, on se retrouve juste après Bernard Lavilliers. Viens, petite sœur au blanc manteau. Viens, c'est la balade des copeaux. Viens, petite girl in white blue jean. Viens, c'est la descente au fond de la mine. Viens nous grand shooter du désespoir, viens nous visiter mes larmes et noirs, viens nous chevaucher les grands rouleaux, et coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, où l'on fume la cam par les cheminées, et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens, dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Comprendra pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Bien petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage de Vindel. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la French, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux, moins de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Bien belle femelle tropicale, je t'invite par mon carnaval. Ici la cadence, c'est vraiment trop. Ici y'a pas de place pour les manchots. Viens, dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas, mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles, surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges. Le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays, pas très connu. Y'a pas de touristes dans les rues. Viens, dans ce pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tous des corps. Pour être peace and love et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la vie. Viens petite sœur au blanc manteau, c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens c'est la descente au fond de la mine. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans Caprice de lecture pour cette deuxième partie d'émission, toujours en présence de Raymond Nicolodi. Raymond, comment ça va ? Ça va très bien. Ça va très bien, vous êtes bien ? Je suis bien avec vous. Bon, super. Pour votre livre sur la famille Molitor, aux éditions Les Bolos. Et là, qu'est-ce que je découvre hors antenne ? C'est qu'à force de faire des recherches sur la famille Molitor, vous rencontrez les descendants. Oui, je ne les ai pas rencontrés physiquement. C'est-à-dire que j'avais entendu ou j'avais lu un article, je ne sais plus exactement maintenant, qu'il y avait quelqu'un qui résidait, qui vivait encore dans le sud de la France. Et j'ai passé quelques temps à faire des recherches, à taper le nom Molitor. Vous n'êtes pas le genre à lâcher le truc ? Ah non, bah jamais, jamais. C'est pas le genre à laisser tomber. Voilà. Et donc, j'ai retrouvé dans le sud de la France, Pierre Molitor, qui est le dernier descendant qui porte encore le nom. Il y en a d'autres qui ne portent pas le nom, puisque c'est d'autres branches. Ouais. Et je lui ai écrit, je lui ai téléphoné, et je lui ai dit, monsieur, est-ce que je peux vous appeler monsieur Molitor ou monsieur le comte ? Il me dit, là, maintenant, vous pouvez m'appeler monsieur Molitor. D'accord. Mais si vous écrivez votre livre, j'aimerais bien que ce soit monsieur le comte. Donc, vous avez pu échanger avec lui ? On a échangé au téléphone, on s'écrit régulièrement. Ouais. Je peux vous montrer sur mon portable, j'ai ses derniers messages. Okay. Quand il a reçu mon livre et il m'en a recommandé pour sa famille. Donc, on est en relation. Quand j'ai besoin, je l'appelle. Même lui, de temps en temps, il m'appelle. Et lui, est-ce qu'il avait quelques archives ? On pourrait dire de ils ont ses beaucoup ancêtres. D'archives, mais je ne me suis pas permis de lui demander. J'ai voulu faire mes recherches tout seul. Ouais. Parce que... Ou ne serait-ce que pour confirmer ou infirmer peut-être ce que vous auriez pu... Ah ben ça, pas de souci, j'écris et j'envoie. Et ok, voilà. D'accord. Mais je n'ai pas voulu rentrer trop dans l'intimité de cette famille. Ce qui est compréhensible aussi. Et je pense que ça fait partie aussi de votre savoir-être et savoir-vivre de votre région... De votre région d'origine, je pense. On est assez pudique et on respecte vraiment la vie des autres. Et puis on donne quand il faut donner. Oui, voilà. Hein? On est capable de serrer les coudes quand il faut. Tout à fait. Alors, je voudrais en revenir au livre. Vous faites le choix de remonter sur 7 générations avec des illustrations qui sont incroyables. Une surtout quand le Molitor est jeune et une sur son lit de mort qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué justement dans ce livre. Vous avez cherché ça. Ouf. Est-ce que c'est un peu... Moi, j'imagine souvent, vous savez, comme une toile d'araignée, on trouve un premier truc et puis après, ça nous amène à un second. Est-ce que vous vous déplacez sur vos lieux de recherche ? Est-ce que vous faites des photos ? Est-ce que vous avez besoin de vous imprégner peut-être d'une atmosphère, d'un lieu, d'un... Alors, ça se passe comment ? Quand Raymond Nicolodi veut écrire un livre d'histoire. Voilà. C'est tout simple. Il se fait déjà une petite trame. Ouais. Et puis après, il commence ses recherches. Alors, je commence toujours par mes recherches par Internet. Ok, bon, je crois que c'est notre ami à tous. C'est un ami, mais je commence par là parce que comme ça, on ne s'éparpille pas partout. Ouais. À partir du moment où on a trouvé quelque chose, par exemple la photo où il est capitaine en uniforme, il est tout jeune, il a 20-22 ans, il vient d'être nommé capitaine, il vient de s'engager dans l'armée de la République, et aussi vite il est élu, parce qu'à l'époque on élisait tout de suite un officier. Oui. Il est élu très très vite capitaine. Et il prend déjà le commandement d'une compagnie. J'ai trouvé, par rapport aux visites au musée de... J'ai un trou. Peu importe, c'était dans un musée, son tableau est dans un musée. La deuxième photo du lit de mort, c'est une photo, tout bêtement, un jour j'ai trouvé une carte postale sur une brocante. Molitor, c'est son lit de mort. Non, mais il n'y a pas de hasard. Peut-être. C'est pas possible. Je ne sais pas. Et voilà, j'ai trouvé. Et donc, j'ai refait des recherches pour avoir une meilleure qualité. Alors après, on trouve au musée du Louvre, au musée à Versailles. Voilà, là, ça venait du musée des Beaux-Arts de Lille. Voilà. Elle est le tableau. Vous avez retrouvé. Le tableau est là-bas. Incroyable. Alors, c'est facile. Internet nous aide beaucoup. Mais Internet, peut-être aussi, il faut faire le tri. Parce que tout à fait. Il y a des gens qui alimentent avec des choses pas forcément... Juste. Voilà. Après, par exemple, dans tous les copies d'actes de naissance, de décès, tout ça. Que vous mettez bien les flèches. Des fois, il y a des orthographes différents. Donc, il faut retrouver. Il y a des confusions. Et puis surtout, il faut se méfier, comme on disait par Internet, pour la simple raison que, par exemple, l'abbé Nicolet, qui était curé d'Ayange, a écrit l'histoire d'Ayange en 3 volumes. Ouais. Et dans le deuxième, je crois que c'est... il y a une grosse partie sur la famille Molitor avec la généalogie. Et il met que la femme du maréchal Molitor, donc une fille Becker de Saint-Avold, est décédée à Ayange. Bon, j'ai fait des recherches aux archives départementales. pas trouvé de date de décès. J'ai cherché du coup Nancy, pas trouvé sur Tremblaine, pas trouvé. J'ai cherché à Paris, puisqu'ils habitaient bien sûr Tremblaine et Paris, rien trouvé. Du tout. Et le hasard, mais je ne saurais plus dire comment, je vais aux archives départementales des Vosges, et je me dis, tiens, je vais chercher. Vous avez trouvé. Et je trouve l'acte de décès de Madame la Maréchale. Incroyable. Qui est décédée quelques jours après son mari. Oui. Je trouve son acte de décès. Vous tombez dessus. Parce que vous avez eu l'instinct de vous dire, allez, je tente dans les Vosges et je verrai bien, quoi. Je sais pas. Franchement, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Là, c'est... Alors, Raymond, vous êtes... Oh, moi, j'aime bien vous écouter parler d'histoire parce qu'on sent que vous aimez ça et que je pense que vous seriez très bon pédagogue, peut-être pour les jeunes élèves de collège ou de lycée qui ont du mal à accrocher avec l'histoire. Je n'ai pas pu le faire, mais j'ai un fils qui est prof d'histoire au collège et le deuxième qui n'a pas voulu être prof d'histoire. Voilà. Oui. Et le deuxième n'a pas voulu être prof, mais il est aussi dedans. Bon. Alors justement, en parlant d'histoire, là, on a beaucoup parlé de Molitor. Est-ce que vous avez d'autres projets d'écriture? Est-ce qu'il y a des choses en cours? Est-ce que vous reviendrez nous voir pour un deuxième livre? Oh ben ça, c'est pas... est-ce que... Déjà voilà. qu'il sorte. Oui, le projet, j'en parle, pas dans le livre, mais j'avais eu un article dans l'Est républicain où je dis bien que j'avais un projet, c'était de faire maintenant la monographie du maréchal Molitor, c'est-à-dire il est né jusqu'à sa mort, en passant par les champs de bataille, parce qu'il a fait énormément de choses. C'est un autre travail. C'est un gros travail. Vous n'explorez plus les générations, là. Ma documentation, elle est très, très, très épaisse actuellement. Non, il faut que je la mette en page. Parce que, par exemple, Molitor a été gouverneur des villes hanséatiques, il a été gouverneur en Hollande, il a été... C'est quoi le plus dur? C'est faire les recherches ou c'est mettre en page? Mettre en page. C'est le plus dur, hein? Ben, quand on n'est pas du métier, c'est mettre en page. Ouais. Et je pense qu'il faut faire un tri peut-être dans toutes les infos que vous avez. Il y en a qui sont peut-être moins importantes ou moins pertinentes que d'autres. Et faire un choix, quelquefois, ça doit être... Choisir, c'est renoncer, mais là, ça doit être compliqué. Oui, tout à fait. C'est ça, hein? Ouais. Voilà. Et j'avais eu un projet, mais qui tombait à l'eau, c'était de faire un timbre, demander à la poste de faire un timbre sur le maréchal Molitor pour, donc en 2023. Ouais. C'était, ah oui, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Donc j'avais commencé à faire mes appels du pied en 21, peut-être. Ouais. Et c'était pour fêter l'anniversaire où il a été nommé maréchal, puisqu'il a été nommé maréchal en 1823. Oui, donc 2023, c'était le bicentenaire. Le bicentenaire. La poste n'a pas répondu. N'a pas donné suite. Voilà. Bon, ça, c'est. Il faut. Bon. Par contre, quand on veut ce type de choses, il faut des appuis derrière, que ce soit politique, culturelle. Bien sûr. Et là. Il n'y a pas eu. On ne m'a pas beaucoup suivi. Avant qu'on passe à la coupure musicale, moi, je voulais aussi qu'on parle des remerciements que vous adressez à votre famille. Pour la création donc, de ce livre, La famille Molitor, à vos enfants, votre épouse, je pense, et la façon dont vous décrivez votre travail de recherche, ça vous a pris du temps. Et vous avez peut-être quelquefois mis de côté, mais ce n'est pas le bon terme, hein, c'est péjoratif, mais consacré plus de temps à vos recherches qu'à votre famille. C'est le bon terme, mis de côté. Mais c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en pensent, vos enfants, votre épouse mes enfants sont fiers. Parce sont que très fiers. Ils sont fiers, ils me disent toujours, parce que je leur dis toujours, mais moi je ne suis pas allé à l'école, j'étais à l'école primaire, je n'ai pas fait de secondaire. Ouais. Mais c'est aussi une belle revanche, aussi vite, il fallait aller travailler donc chez... Monsieur dans la firme de Vendel, puisque dans la vallée de la Fène, c'était les de Vendel. Ouais. Donc, je n'ai pas pu faire d'études. Maintenant, je me dis que j'aurais été capable. C'est peut-être aussi ça qui m'a poussé à faire ça. Et puis, donc, mes deux fils, eux, ont fait des études. Ils me disent, mais papa, regarde ce que tu as fait. Ah oui, vous devriez être fier. Tu as fait deux conférences sur Molitor au Fossou. Quand vous regardez par-dessus votre épaule, vous devez être super fier. Moi, oui, oui. Mais je pense que c'est eux les plus fiers. C'est eux. Et ça vous rend ma fierté vient de là, justement, c'est parce qu'ils sont fiers de moi. Et votre épouse, qu'est-ce qu'elle en dit, elle? Ah, ben, mon épouse, elle, dès que je lui dis je monte dans le bureau, elle me dit bon, ça y est, tu es parti pour un certain temps. Elle sait que je me suis lancé dans l'écriture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que j'avais un souci, j'avais fait une forte dépression. Ouais. Ça donc, vous a dit, il vaut mieux qu'elle continue, qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Il y en a d'autres, c'est la course à pied, il y en a d'autres, c'est... Ouais. Voilà, donc vous, c'est ça, et c'est votre truc. On va faire une dernière coupure musicale de votre choix, dont je ne sais absolument plus ni le nom, ni le titre. Voilà, si vous pouvez m'aider, Raymond, ce serait super sympa. C'est Le Déserteur, et je crois que c'est chanté par Mouloudji. J'ai fait le choix de Mouloudji. On se retrouve juste après pour votre caprice de lecture. Oui. Thank you. Messieurs, qu'on nomme grand, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour aller à la guerre avant mercredi soir. Messieurs, qu'on nomme grand, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai par les chemins. Je mendierai ma vie sur la terre et sur l'onde, du vieux au nouveau monde, et je dirai aux gens, profitez de la vie, éloignez la misère, nous sommes tous des frères, gens de tous les pays. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs les bons apôtres, messieurs qu'on nomme grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Caprice de lecture sur Fadjet. Dernière partie d'émission consacrée à Raymond Nicolodi pour son livre sur la famille Molitor. Raymond, je vais vous laisser la parole parce que vous allez nous faire part de votre caprice de lecture. Je peux pas dire que j'ai un caprice. Je ne connais pas le titre, pouf. Je vais bien découvrir. Non, je ne sais pas si j'ai un caprice de lecture. Chaque fois que je trouve un livre sur Molitor, pas spécialement sur l'époque napoléonienne, on va dire, et la Révolution, ouais. La première que je aille au hall du livre ou n'importe où, je l'ouvre, je cherche, si on parle des endroits où il est passé, ouais. Si on parle de lui, si on ne parle pas de lui, il n'est pas bon le livre, c'est pas normal. Donc, vous n'avez pas de livre préféré? J'ai pas de livre préféré. Mais vous avez peut-être un type de livre préféré. Ben, mes livres d'histoire, bien sûr. Vous êtes toujours dans l'histoire. Je suis toujours dans l'histoire. Même l'histoire familiale que je suis en train d'écrire après, puisque je suis quand même, vous l'avez peut-être pas vu ou vous l'avez pas oublié. Je suis la première génération née en France, donc oui. La famille vient d'Italie. Oui, d'Italie. Vous êtes issu de l'immigration italienne. Moi, vous êtes arrivé, enfin, votre famille est arrivée pour travailler. Pour travailler dans la vallée de la Fensch. Dans la vallée de la Fensch. Voilà, donc je parle vraiment. Après, je peux. Tu sais, je lis de tout. Mais quel chemin parcouru, le petit garçon, fils oui, d'immigré oui. italien. Quel chemin. Vous étiez né quand vos parents sont arrivés ou pas? Alors non, mon père est arrivé en 1923. D'accord, ok. Il avait 1924, il avait 2-3 okay. ans. Ah oui, donc il a grandi là, etc. Il a grandi là, voilà. Okay. Donc toute la famille est restée en France et est restée là parce oui. que mon grand-père disait toujours. La France nous a hébergés, nous a donné du travail et nous nourrit. En Italie, c'est les fascistes. Donc, on a quitté l'Italie pour venir ouais. en France. Et vous ça, avez de la famille encore dans la vallée de la Fensch? La vallée de la Fensch, ouais. oui, j'ai mon frère. Ok. Moi, j'ai un frère, puis un cousin. Qu'est-ce qu'ils en pensent de votre livre, de votre parcours? Est-ce que vous en parlez? Non. Non ? Non, parce qu'on ne se voit pas souvent. Vous ne voyez pas souvent, oui. Parce que chacun a ses occupations. Oui, bien sûr, puis, voilà, c'est la vie. On se voit, quand on se voit, bah, on parle d'autre chose. Ouais. Hein, on parle plutôt des enfants, des petits-enfants que d'autre chose. Quoi. Donc vous, peut-être plus avec vos enfants à vous et votre épouse, et voilà. Là, oui, là, hein? On parle, oui, oui, bien sûr. Ça, c'est sûr que, comme je le disais tout à l'heure, mes fils sont fiers de leur père. Et aujourd'hui, vous êtes au micro d'une radio pour parler de votre travail. Ouais. C'est chouette, hein? Je suis en train de me dire, l'instituteur que j'ai eu, s'il me verrait maintenant, peut-être qu'il va y épurer, c'est pas possible. Eh ben si, tout est possible. Ouais. Quand on veut se donner les moyens, c'est possible. Que j'ai eu un très très bon instituteur, voilà. C'est peut-être aussi lui qui m'a... Les rencontres ne sont pas dues qu'au hasard. C'est ce qu'on dit. Raymond, merci beaucoup. Ben merci beaucoup. Ce fut un vrai plaisir. Je suis ravie. On sera amené à se revoir à la bibliothèque de Tomblaine, c'est sûr. Ah oh oui, parce que je me suis inscrit. Voilà. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouveaux caprices de lecture. Au revoir. Au revoir.